Je sais pourquoi tu es dépressif. Où tu achètes, c'est excessif. En haut du top, vois le précipice. À chaque fois prochain, c'est le décisif. Tu fais pas un, t'es imbécile. Du jaune ou du jaune, tu es indécis. J'arrive sur eux comme un missile. M'auto-détruire, c'est un plaisir. Je mets la fessée comme si j'étais son père. Les yeux sont vides, mais les murs sont pleines. Vends ta gueule, la morgue est ouverte. Jamais je vais voter, la monnaie gouverne. Pull up un teflon, le ciel est couvert. Les yeux sont vides mais les poches sont pleines. Les yeux sont vides mais les poches sont pleines. Le client est roi, le client est roi. J'ai le bras long 70 cm en dépliant les doigts. Et le ciment est froid, le pilon est noir comme un ciel sans étoiles. Je vais les sécher, mettre du sel sur l'étoile. Ceux qui pas mal font les fous sur la toile. Sinon c'est quoi le bail? Tout le monde a baisé la rue, tu veux fiancer quoi? Un million c'est pas assez, j'suis toujours pas yam, j'suis pas débarrassé. J'ai que faire de parader, les flancs ce n'est pas dans mes paramètres. Je traîne pas dans la rue, je suis très casanier. Y'a que le livreur qu'à l'adresse. Ceinture au Gucci Hermès, pour que tu vois bien la sagesse. Je monte les étages à l'infini. Je fais compter les tals à l'infini. Je vais vers l'au-delà et l'infini. Easy F, baby, Emily. Mort à l'ambert, je fais un milli. Ça y est, c'est tous la famille. 4 verres sur 330 milli. Tu me connais, je suis un très très grand timide. Je mets la fessée comme si j'étais son père. Les yeux sont vides, mais les murs sont pleines. Vends ta gueule, la morgue est ouverte. Jamais je vais voter, la monnaie gouverne. Pull up un teflon, le ciel est couvert. Les yeux sont vides mais les poches sont pleines. Les yeux sont vides mais les poches sont pleines. J'arrive d'en bas, salope en face, salive en balle. J'fais du khalis en masse, chaque race aligne en moi. 24 sur 7 comme le McDo, j'arrête quasiment pas. The Brombe d'Ode, gros Soul City, all day sous bois. Le goût de la mer c'est le même tous les jours. Si la haine revient faut que je rallume un wesh. L'évolution n'aura fait qu'un tour. Alcool et shit et on redevient des singes. Val dans la tête et on redevient des anges. Val dans la tête là faut faire un dessin. J'suis plus la merde gros y'a personne qui boycotte. Trouve un travail ou va voir un médecin. VA Blanco comme Griselda. 80 autres et 2 dégâts. Plus de stuff que dans Zelda. Plus de skin que de blé dark. Que des sous le cowboy en face time. Après minuit c'est le net dark. Ce monde est cruel et bestial. Et VALD est spécial. Chercheur de vérité sur YouTube. Complotiste notoire. Faux. Verse un peu d'élixir pour les frères. À même le trottoir. Trottoir. Le savoir dans le silence. Chute. Pourquoi est-ce que tu parles? Blablabla. C'est de l'argent. Plein. Une séance de studio. Pourquoi est-ce que tu rappes? Maxi Cons, Bill Gates, Manigance, Vilaine, Machiavel, System, Temcom, Atari, System, Fetaïf, Cheatser, Bayapat, Reset, le bouton, nouveau jour, nouveau lourd, Royapat, Mister, pas du tout. J'arrive d'en bas, salope en face, salive en balle. J'fais du khalis en masse, chaque race aligne en moi. 24 sur 7, comme le McDo, j'arrête quasiment pas. The Brombe d'Ode, gros Soul City, all day sous bois.